الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On continue aujourd'hui, inshallah ta'ala, l'explication, la lecture et le commentaire du livre de l'unicité écrit par l'imam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Et on est arrivé à la parole de l'auteur. Babu qawlillahi ta'ala fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Le chapitre concernant la parole d'Allah, le Très-Haut. فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. N'accordez à Allah aucun égal alors que vous savez. N'accordez à Allah aucun égal alors que vous savez. En fait, l'auteur, rahimahullah, il nous cite ce verset par rapport à la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala. يَا أَيُّهَا النَّاسِ اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sourate Al-Baqarah, la sourate 2, de versets 21 et 22. Ô homme, ô gens, adorez votre Seigneur, celui qui vous a créé et a créé ceux d'avant vous, afin que vous atteigniez la piété. Et donc ceci déjà, donc ce premier verset que je viens de lire, sachez, ô chers frères, que c'est le premier ordre qu'il y a dans le Coran. Quand vous lisez le Coran, vous lisez la Fatiha, ensuite Al-Baqarah, et donc on lit Al-Baqarah, le premier verset, deuxième, et on continue jusqu'à ce qu'on arrive au premier ordre qu'il y a dans le Coran. C'est l'ordre d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala. Ya ayyuhan nas ubudu rabbakum. Adorez votre Seigneur, adorez-le seul. Pourquoi on doit l'adorer seul? Il nous explique pourquoi on doit l'adorer. Il nous l'explique. Alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Celui qui vous a créé et qui a créé ceux d'avant vous afin que vous atteigniez la piété. Et donc Allah est le seul à mériter l'adoration. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créé. Il continue encore à nous citer d'autres raisons. Il nous dit après cela: الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء. الله أكبر. Allah تبارك وتعالى nous montre ces signes que nous voyons tous les jours et que nous profitons d'ailleurs en cet instant présent, pendant qu'on fait l'explication du livre de l'unicité, donc près de la plage, on voit ces signes d'Allah تبارك وتعالى. Allah qui nous dit تبارك وتعالى, celui qui a fait pour vous de la terre, un espace étendu. Il a étendu pour vous la terre. Et un endroit, firashan, un endroit sur lequel nous pouvons demeurer. Nous nous installons ici sur le sable, pour réviser, méditer sur la création d'Allah, tabaraka wa ta'ala, chercher à nous rapprocher de lui, tabaraka wa ta'ala. Wassama binaa, et celui qui a élever le ciel, il a fait du ciel une bâtisse. Regardez ce ciel que nous voyons, c'est parfait. Allah tabaraka wa ta'ala l'a élevé et rien ne retient le ciel, pas de pilier si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala qui retient le ciel. وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. Et il a fait descendre une eau du ciel. Il a fait descendre une eau du ciel et il en a fait sortir pour vous des fruits comme subsistance. Il en a fait sortir des fruits comme subsistance pour vous. Et donc cette eau qui descend du ciel, qui l'a fait descendre si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala? C'est lui le seul à mériter l'adoration. Cette eau que nous voyons ici autour de nous, près de la mer, qui l'a placée si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala? Ce n'est pas le président, ce ne sont pas les présidents tous unanimes, ce ne sont personne. C'est Allah tabaraka wa ta'ala qui a placé cette eau ici. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous appelle à méditer sur sa création. Dans une autre sourate, il nous dit, tabaraka wa ta'ala, Voyez-vous l'eau que vous buvez? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait tomber? Est-ce que c'est vous qui l'avez fait descendre des nuages, cette eau? Ou alors c'est nous qui l'avons fait descendre? Qui mérite l'adoration si ce n'est Allah tabaraka wa ta'ala? Les frères, à l'instant où je vous parle, aujourd'hui, les chrétiens se préparent pour aller à l'église. On est dimanche, ils vont à l'église pour adorer Jésus. Est-ce que Jésus a fait descendre cette eau? Est-ce que c'est lui qui a fait descendre cette eau qui est autour de nous? Personne ne va dire oui. Pourquoi alors l'adorer? Le seul à mériter l'adoration, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Et donc il nous dit, tabaraka wa ta'ala, fela taj'alou lillahi andadan wa antum ta'lamoun. N'accordez à Allah aucun égal. Alors n'accordez à Allah aucun égal alors que vous savez. Vous savez. Comme on le dit à créole, zot savent. Vous savez très bien que le seul à avoir fait tout cela, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Le seul à avoir créé ce bel endroit que nous voyons, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Cet îlet à côté, le seul à l'avoir placé là, c'est Allah, tabaraka wa ta'ala. Qui d'autre a fait cela? Personne. Pourquoi allons-nous donc adorer autre qu'Allah, azza wa jal? Et donc on comprend de ces versets, barakallahu fikoum, le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Et ceci est le prêche de tous les prophètes. Tous les prophètes ont appelé à cela. Le fait d'adorer Allah, tabaraka wa ta'ala, seul. Et on comprend de ce verset le fait que l'épreuve montrant l'unicité d'Allah, l'obligation d'adorer Allah seul, nous les voyons tous les jours. Nous les voyons tous les jours, ces preuves. Dans cet espace dans lequel nous vivons, tout est un signe qui nous montre la puissance d'Allah, tabaraka wa ta'ala, car nous savons très bien que c'est lui qui a fait tout cela. Alors pourquoi adorer autre que lui, tabaraka wa ta'ala? L'auteur qui nous dit après cela, ensuite après cela, l'auteur, elle nous cite quelques explications des pieux prédécesseurs concernant ce verset. Il nous dit « Wa qala ibn Abbas fil aya al-andad huwa ash-shirk akhfa min dabib al-naml ala safat sawda fi dhulmati al-layl wa huwa an taqul wallahi wa hayatik ya fulan wa hayati wa taqul lawla kulayba hadha la'atana al-lusus wa lawla al-baqt fi ad-dar la'ata al-lusus wa qawlu ar-rajuli li sahibihi ma sha'a Allah wa shi'ta wa qawlu ar-rajuli lawla Allah wa fulan la taj'al fiha fulanan hadha kulluhu bihi shirkun rawahu Ibn Abi Hatim. Et donc il nous cite une parole d'Ibn Abbas radiallahu anhuma qui nous dit donc ce qui est voulu à travers ce verset. El Anded, c'est le shirk, c'est le polythéisme. Il est plus subtil, faites attention, il est plus subtil que le déplacement des fourmis sur un rocher noir durant l'obscurité de la nuit. Mashallah, nous sommes à la mer. Le grain de sable dans ma main là, regardez les grains de sable. On va essayer de prendre un. Allez, on va essayer d'en prendre. On va garder un seul. Ce grain de sable sur mon doigt, là. Le grain de sable que tu vas voir sur un rocher noir, tu ne vas pas le voir. Même chose, la fourmi durant l'obscurité, tu ne vas pas la voir. C'est quelque chose de subtil. C'est difficile à voir. Et ensuite, il continue, il nous explique. Quel est ce polythéisme? C'est le fait de dire par Allah, par ta vie. Ô un tel, par ma vie. Hein? Le fait qu'une personne va jurer sur la vie d'un tel. Elle jure sur sa vie à elle. Comme c'est répandu chez les jeunes, hein? Ou chez les moins jeunes aussi. Le fait de jurer par la vie de ma mère, ou la vie d'un tel. Une fois, je l'ai entendu dans une mosquée ici en Martinique. La vie de mon fils. Pourquoi est-ce que les gens vont jurer par autre que Allah tabaraka wa ta'ala? C'est du polythéisme. Ceci est du polythéisme. Ou alors, il cite d'autres exemples d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma. Si ce n'était pas un tel, alors les voleurs seraient venus. Si ce n'était pas donc le canard qu'il y a dans la maison, alors les voleurs seraient venus. Ou alors le fait, une autre forme encore, le fait que l'homme dise à son compagnon, « Masha Allah wa shi't, Allah a voulu et toi aussi. » Masha Allah, Allah a voulu, wa shi't, et toi aussi. C'est-à-dire que là, la personne, elle a associé Allah et une de ses créatures dans la volonté. Les deux, ils veulent. Masha Allah wa shi't. Non. Nous n'avons pas à faire cela, comme nous le verrons clairement dans ce cours, Inch'Allah ta'ala. Et donc tout cela, c'est du shirk, barakallahu fikoum. L'auteur qui nous dit An Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, anna Rasulallah, sallallahu alayhi wa sallam, a call. Man halafa bi ghayrillahi fa qad kafara aw ashrak. Rawahu al-Tirmidhi wa hassanahu wa sahahahu al-Hakim. Et donc d'après Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: celui qui jure par autre qu'Allah aura certes mécru ou accompli du polythéisme. Rapporté par Tirmidhi, qui l'a jugé correct et qui a été authentifié par Al-Hakim. Et donc celui qui jure par autre qu'Allah a mécru, fait code kafar, ou ashrak, ou a fait du polythéisme, ou alors a fait du polythéisme. Tayyib. Et donc on va voir tout ça, bi-idhnillahi ta'ala. On va voir tout cela. Alors le polythéisme. Alors c'est ce qu'on va voir. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Le polythéisme, c'est le fait d'accorder une des spécificités d'Allah à autre qu'Allah. D'accord ? Mais maintenant, on va voir, concernant le fait de jurer par autre qu'Allah, est-ce que ceci, c'est du polythéisme majeur ou mineur ? On va le voir, Inch'Allah ta'ala. On va le voir. Tayyib. Et donc, ici, on a, barakallahu fikoum, dans ces textes qu'on vient de lire, l'interdiction du polythéisme dans nos propos. L'interdiction du polythéisme dans nos propos. Lorsqu'on va parler, il se peut qu'une personne prononce une parole et que cette parole contienne du polythéisme. Comme le fait de dire « Masha Allah wa shi't »« Allah a voulu et toi aussi ». Non, tu ne dis pas cela. Ce que nous devons dire, c'est « Allah a voulu » puis toi tu as voulu. Parce qu'on ne va pas associer ta volonté à la volonté d'Allah. Les deux ne sont pas semblables. Oui, Allah t'a accordé une volonté. D'accord ? Allah t'a accordé le fait de pouvoir vouloir, le libre arbitre, etc. Allah t'a accordé la volonté. Mais ta volonté n'est pas semblable à la volonté d'Allah. Et donc on ne peut pas dire Allah a voulu et toi. C'est Allah a voulu puis toi. Et donc nous devons faire preuve de bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Ensuite, dans le hadith, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: man halafa bi ghayrillahi faqad kafara aw ashrak. Celui qui jure par autre que Allah, il aura donc mécru ou accompli du polythéisme. On a déjà vu précédemment que le polythéisme se divise en deux. On a le polythéisme majeur et le polythéisme mineur. Et donc, qu'est-ce qui est voulu ici? Les savants, ils nous disent les deux. Tout dépend du cas. Il se peut que ça soit le polythéisme majeur et il se peut que ça soit le polythéisme mineur. Dans quel cas ça va être le polythéisme majeur et dans quel cas ça va être le polythéisme mineur? On va commencer par le polythéisme mineur. Lorsqu'une personne, on va commencer par le polythéisme majeur. Lorsqu'une personne jure par autre que Allah tabaraka wa ta'ala, en ayant la croyance que cette chose par laquelle elle a juré est vénérée et glorifiée comme Allah tabaraka wa ta'ala, Alors là, cette personne-là accomplit du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Comme certaines personnes, je donne un exemple, certaines personnes qui sont dans une situation et qui vont jurer pour dire, pour montrer qu'elles sont véridiques. Et donc la personne va jurer, « Wallahi, wallahi, je suis allé chercher telle chose et je ne l'ai pas trouvée. Wallahi, j'ai fait ce que tu m'as demandé. » Et l'autre personne, elle sent que... Elle n'a pas confiance, elle sent qu'elle est en train de mentir. Alors l'autre personne lui dit, « Non, jure par Sidi Foulen, jure par saint, tel saint, hein, Sidi Boussaïd ou un autre saint. Jure par lui. » Alors là, cette personne, la première personne qui avait juré par Allah et qui avait menti, elle ne se sent pas capable de jurer par Sidi Foulen et de mentir. Parce que cette personne-là va glorifier Sidi Foulen. Elle va le vénérer. Et là, c'est encore, elle le glorifie, elle le vénère plus qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Là, on est dans le polythéisme. Là, c'est du polythéisme majeur qui fait sortir de l'islam. Une personne qui va jurer par autre qu'Allah et qui va faire du polythéisme mineur, un polythéisme qui ne fait pas sortir de l'islam, alors c'est la personne qui jure par autre qu'Allah, mais qui n'a pas cette croyance-là. Elle ne pense pas que cette chose est plus vénérée, plus gros, plus glorifiée qu'Allah, ou vénérée ou glorifiée autant qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. Elle ne pense pas cela. Comme celui qui va jurer par la vie de sa mère, la vie de son père, la vie de son frère, de son enfant, il ne pense pas que son enfant, ou que sa mère, ou que son père, ou que son frère, mérite d'être glorifié ou vénéré autant qu'Allah tabaraka wa ta'ala. Mais il a prononcé cette parole par rapport au respect qu'il accorde à son père, à sa mère, à son frère, à son enfant. Ceci est du polythéisme. Et ceci est grave. Car Allah tabaraka wa ta'ala a dit qu'il ne pardonne pas le polythéisme. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi. Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. Et donc le polythéisme est grave. Malheureusement, beaucoup de personnes qui n'accordent pas d'importance à ce sujet ne comprennent pas que ceci est plus grave. Le fait de jurer par autre qu'Allah est plus grave que la fornication, est plus grave que le mensonge, est plus grave que les grands péchés de manière générale. Car le polythéisme mineur est plus grave que les grands péchés. Et c'est pour ça que l'auteur, après cela, il commence à nous citer, il nous cite une parole d'Ibn Mas'ud qui est très importante. Il nous cite une parole d'Ibn Mas'ud qui est importante. Et donc, ici, il nous cite l'auteur, rahimahullah. « Wa qala Ibn Mas'ud, la an ahlifa billahi kadhiban ahabu ilayya » min an ahlifa bi ghayrihi sadiqan. Ibn Mas'ud, il nous dit, radiallahu anhu, le fait que je jure par Allah en mentant, m'est préférable que de jurer par autre que lui en étant véridique. Subhanallah. Le fait que je jure par Allah en mentant m'est préférable au fait de jurer par autre que lui en étant véridique. Et donc, il faut bien comprendre cette parole d'Ibn Mas'ud, radhiyallahu anhu. Ibn Mas'ud, lorsqu'il nous dit cela, Ibn Mas'ud ne veut pas dire qu'il est permis de jurer par Allah en mentant. Car c'est connu, ceci est un sujet d'unanimité, c'est connu chez les compagnons, chez les tabi'ines, chez les musulmans, que le mensonge, il est interdit. Allez, on va parler des chiites, on va parler des rawafides, ils voient que le mensonge est permis. Mais je ne les considère pas ici dans notre sujet. Les rawafides, ils voient que tu peux adorer Allah en mentant. Pour eux, tu peux adorer Allah en mentant. Mais ce n'est pas d'eux qu'on parle aujourd'hui. On va rester sur Ahl Sunnah wal Jama'a. Le mensonge n'est pas permis. Et donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Mas'ud? En fait, Ibn Mas'ud, il nous montre le danger qu'il y a dans le fait de jurer par autre que Allah. Car si tu jures par Allah en mentant, ceci est un grave péché. Ceci est un grand péché. Le fait qu'une personne jure par Allah en mentant, ceci est un grand péché. Mais le fait qu'une personne jure par autre qu'Allah en étant véridique, ceci est du polythéisme. Et donc c'est plus grave. Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit « Inna Allah la yaghfiru an yushraka bi » Allah ne pardonne pas qu'on lui accorde quelconque associé. « Wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha » Et il pardonne en dessous de cela pour qui il veut. Et donc, le polythéisme, il va être plus grave que le grand péché encore. Il va être plus grave que le grand péché. Et ensuite, l'auteur qui nous dit « Wa an Hudhayfa radiallahu anhu » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان رواه أبو داود بسند صحيح. Et donc d'après Hudhayfa radiallahu anhu, que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم a dit, ne dites pas Allah a voulu et un tel a voulu, mais cependant dites Allah a voulu puis un tel a voulu. Et donc, on n'associe pas Allah à ses créatures dans la volonté rapportée par Abu Daoud avec une chaîne de transmission authentique. Avec une chaîne de transmission authentique. Naam. On continue. Wa ja'a an Ibrahim an-Nakhai annahu yakrahu a'udhu billahi wa bik wa yujawizu an yakul billahi thumma bik. Qal ويقول لولا الله ثم فلان ولا تقول لولا الله وفلان. Et donc il a été rapporté de Ibrahim al-Nakhai rahimahullah qu'il détestait le fait de dire a'udhu billahi wa bik, j'implore la protection d'Allah et la tienne. Il détestait cela. On n'associe pas Allah tabaraka wa ta'ala à ses créatures. Mais par contre, il disait qu'il était permis de dire « A'udhu billah, thumma bik ». Et donc j'implore, je recherche la protection d'Allah, puis la tienne. Parce qu'une créature peut protéger une autre créature. Oui, une créature peut le faire. Mais on n'associe pas la créature au créateur dans la protection. La protection d'Allah n'est pas semblable à la protection de ses créatures. « Wayakoul » Et donc il dit que il faut dire si ce n'était pas Allah puis un tel, mais il ne faut pas dire si ce n'était pas Allah et un tel. Exemple, une personne qui va dire si ce n'était pas Isa et donc si ce n'était pas Allah et Isa, on n'aurait pas connu cette plage. Ça, non, il ne faut pas dire ça. Si ce n'était pas Allah puis Isa, on n'aurait pas connu cette plage. D'accord ? Et donc cette personne-là, dont Isa va lui montrer cette plage, où il n'y a personne, machallah, et donc il lui est permis de dire cela. Si ce n'était pas Allah puis toi Isa, on n'aurait pas connu cette plage. Mais le fait de dire si ce n'était pas Allah et Isa, non, ça c'est pas permis. Et donc il est important qu'on apprenne le comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. Le comportement, chers frères, rien n'est plus lourd dans la balance au jour de la résurrection que le bon comportement. Et dans le bon comportement, il y a premièrement le bon comportement envers Allah tabaraka wa ta'ala. On va arrêter là pour aujourd'hui. Inch'Allah ta'ala. Waffaq Allahul Jami'a لما يحبه ويرضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.